Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'œil du PAF, spécial 30 ans de Fadjet. Depuis 9h ce matin, les animateurs se mobilisent pour réaliser les 30 heures de live non-stop. Et comme vous le savez peut-être, chaque heure de la journée correspond à une année. Nous, l'œil du PAF, nous représentons l'année 1990. Mes chroniqueurs et moi-même seront en direct jusqu'à 15h. Et au sommaire de cette émission, Fort Boyard sur Antenne 2. Et oui, à l'époque c'était Antenne 2. Les arènes de l'info sur Canal+, deux films sortis en 1990. Et on finira avec un blind test générique télé des années 90. J'ai hâte d'être à ce blind test. Dans l'œil du PAF ce soir, Julien Bernard, bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va, tu vas bien? En pleine forme. Tu nous as préparé une émission, alors on va pas la dire encore, une émission phare des années 90. Tu nous en parles dans un instant. Pas de souci. Jérémy Gaillet, bonjour. Bonjour, oui, on a l'habitude de dire bonsoir, mais bonjour Jason et bonjour à tous. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire bonsoir. Tu nous prépares quel film, allez, on va le dire. L'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob. Alors, quand tu m'as donné ce film, c'était un ovni un peu pour moi, je ne connaissais pas du tout. Oui, tu verras, c'est un film un peu spécial et c'est vrai qu'à l'époque, en plus, il était passé un peu inaperçu et c'est devenu quand même un film culte, surtout dans le domaine fantastique. D'accord. Donc, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vraiment un bon film. On en parle dans un instant. Edison Martial Santos, comment tu vas? Edison Martial Santos, je vais très bien. Alors tu seras en face de Jérémy pour le film. Toi, c'est Le Cercle des Poètes Disparus, énorme film avec Robin Williams. Ouais, c'est bien ça, ouais. Tu nous en parles dans un instant. Je serai à côté de Jérémy. David Binaz, bonsoir. Bonjour, oh là là, c'est le réflexe. Bonjour David. Bonjour, mais t'es réveillé ou Non mais c'est un réflexe, on est là le lundi à 19h normalement. Et là il est 14h, donc bonjour David. Tu nous prépares les fax de Star. D'habitude, pour ceux qui connaissent l'émission, ce sont les SMS de Star. Mais comme nous sommes en 1990, eh bien on va recevoir des fax de Star. Dans un instant, il y aura Xavier Pilawa qui est absent. Bon, lui, il est toujours en retard, donc on s'étonne pas trop. Ça change pas, en 1990, c'était pareil, je suppose. Il faisait un selfie avec Beaugrand. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais j'espère qu'il viendra très vite, en tout cas. Et comme je le disais tout à l'heure, nous représentons l'année 1990. Et on va commencer par un événement phare de l'année 1990. C'est le 11 février. C'est Nelson Mandela qui est relâché après 27 ans d'emprisonnement. Donc c'est un événement, le 11 février 1990, et on le sait, par la suite, il est devenu président de l'Afrique du Sud. Un autre événement, le 17 mai, ça c'est très étonnant, écoutez bien, l'Organisation Mondiale de la Santé retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales. C'est-à-dire qu'avant cette date-là, eh bien, le fait d'être homosexuel était une maladie mentale. Un mot sur... c'est impressionnant, c'était en 1990, Julien. Ouais, je se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant, tout simplement. Ça paraît tout récent. C'était hier, presque. Ouais, c'est ça. Ouais. Jérémy, t'es choqué par cette info? Surtout que c'est vraiment très récent. Et voilà, on se demande quelles étaient les mentalités à cette époque-là. Enfin, on voit un peu quelles étaient les mentalités, quoi. C'est dingue. C'est un peu... Ouais, c'est... On a quelques naissances aussi en 1990. Le 13 février, c'est la naissait Mamadou Sakho, international. On connaît le pro parisien. J'en ai d'autres. Le 15 avril, Emma Watson naissait. C'est une actrice britannique. Christophe Lemaître, notre champion. Ah, c'est mieux déjà. Il est né le 11 juin. Et il y a la magnifique Jennifer Lawrence, qui est une actrice américaine. Elle est née le 15 août. Vous avez une magnifique, magnifique. Chacun ses goûts. C'est pourquoi t'aimes pas Jennifer Lawrence? Non, j'aime pas. Ça mérite d'être clair. C'est quoi ton actrice favorite? Mon actrice favorite au niveau talent ou juste au niveau plastique? Comme tu veux. Au niveau plastique, c'est Albéry. D'accord. Et au niveau talent? Au niveau talent, moi j'ai les vieilles actrices. Catherine Deneuve? Non, tu racontes. Non. Qu'est-ce que tu racontes en français? Je pense que. Comment ça s'appelle déjà? D'accord. Je la connais bien. Elle est ukrainienne. Olga Kulinenko. Bon voilà, en tout cas, tout au long de cette émission, on va parler des années 90 et donc Mandela libéré et puis l'homosexualité qui est enfin enlevée des maladies mentaux. On va se faire mentale. Maladie mentale. Ça commence bien. Il y a eu cours ce matin, il n'y a pas plus là. On va s'écouter une musique phare des années 1990. C'est Thierry Hazard. Vous connaissez Thierry Hazard? Le jerk, danser le jerk. Ah, génial. On va s'écouter ça. Vous pouvez faire 91. Non, mais 90, c'est pareil comme aujourd'hui. Danser les sardines, sauf que tu dansais le jerk à l'époque. Et ça bougeait un peu plus. Et Thierry Hazard et son vrai prénom, son vrai nom plutôt, c'est Thierry Ghetto. Donc... pas mal. On comprend pourquoi il a changé de nom, mais il est certifié disque d'or avec cette musique. 500 000 exemplaires vendus avec cette musique, le jerk. On écoute ça et on revient juste après dans l'œil du paf. La nuit, il y a Edison qui dansait sur la table. Ouais, c'est ça. Bah, j'étais accompagné de David. Voilà. On a fait les fous. Vous avez vu, c'est une bonne musique. Bah oui, c'est une très bonne musique. Oh mince, j'avais oublié qu'on était filmé sur YouTube. Et puis, fin de carrière. Alors, il y aura une autre musique des années 90 tout à l'heure. C'est Maldon. Vous connaissez Maldon? Non, on connaît pas. Oui. Et ben, on va écouter ça dans un instant. On va danser encore sur Fat Jet. C'est du zouk, non? Ouais. C'est du zouk. Ah ouais, bah, je vous promets un zouk. endiablé avec. Je vais changer de partenaire, je vais prendre. T'es mignon, toi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes dans l'œil du PAF et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Et ouais, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. On fête les 30 ans de Fadjet, 30 ans déjà. En 1990, qui était né autour de la table? Personne n'était né. Non, Edison non plus. Oui. Pourquoi Edison non plus? Tu t'étais né, bah, t'étais né en 90, Edison? Il avait déjà 10 ans. Ouais, j'avais 22 ans à l'époque déjà. On va s'écouter un extrait de Full Metal Fadjet. C'était une émission dans les années 90. On écoute ça, c'est la bande-annonce de Full Metal Fadjet. Fans de musique forte, votre rendez-vous Full Metal Fadjet. Au programme Hard, Heavy, Speed, Trash, Death, Grind, Metal. Mais vos sens défendez-vous, c'est pour ça que vous sautez-vous. Full Metal Fadjet, tous les lundis, 20h, 21h. Voilà pour la bande-annonce de Full Metal Fadjet, en référence évidemment au film de Kubrick, Full Metal Jacket. Est-ce que ça vous dit qu'on remonte dans le temps en 1990? On a le choix. Parce que sinon on peut remonter ailleurs. Remontons dans le temps. De retour en 1990, on va parler de Fort Boyard qui était sur Antenne 2. C'était une toute nouvelle émission en 1990. On va parler d'une émission phare des années 90 avec toi, Julien. C'est parti, on va en 1990. Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 20 novembre 1990. 1990, c'était le bon vieux temps, Énergie 12 n'existait pas, Kenji Girac ne chante pas et François Mitterrand est président de la République. Mais il y a aussi de mauvaises nouvelles, Luan n'est pas de ce monde et l'équipe de France de football n'est pas championne du monde, puisqu'elle sera championne du monde en 1998. Comment tu peux le savoir? Il est devant. Je suis Martine, la boule magique. Marty McFly, je sais tout. C'est bien cela. On va parler donc de Fort Boyard sur Antenne 2, ou plutôt les clés de Fort Boyard, puisque nous sommes en 1990. C'est un jeu télévisé d'origine française, créé en 1990. À la création du jeu, ce sont des candidats anonymes qui participent à Fort Boyard. Pour tenter de gagner le trésor, l'équipe réalise une quête de 7 clés en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du père Foura. Et en fin d'émission, l'équipe doit trouver un mot-code à partir des indices obtenus pour récupérer le plus d'argent possible. Voilà, donc en 1990, ce sont des anonymes qui jouent à Fort Boyard. Une petite question, savez-vous dans quel département se trouve le Fort Boyard? Ah, Julien, Charente-Maritime. C'est en Charente-Maritime. Bravo, Julien. Tu es bon en géographie dans la vie? Il habite à côté. Ça va. Non, pas du tout, non. Il habite dedans même, avec le père Foura. C'est ça. Et voilà, en 1993, les candidats sont des célébrités. Ils jouent pour des associations. Que pensez-vous de ce jeu télévisé? C'est un jeu que vous regardez chaque été. Jérémy? Ouais. J'adore les nains. On va faire un point sur les personnages après, mais sinon qu'est-ce que tu j'aime bien. Enfin, je trouve les épreuves sont rigolotes, tu vois, les épreuves physiques, etc. Et puis le fait qu'il y ait du temps et tout, donc puis qu'il y ait deux équipes. Enfin, il y a deux équipes. Non, il y a pas deux équipes. Bon, bah, je raconte des conneries. À l'époque, il y avait deux équipes. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Donc. Eh ben, je préférais quand il y avait deux équipes alors. Tu regardais quand t'étais jeune, aujourd'hui tu regardes encore. De temps en temps, mais c'est vrai qu'à l'époque j'adorais quoi. C'était vraiment la soirée Fort Boyard. J'étais à fond quoi. C'était un truc de ouf quoi. Edison, tu connais Fort Boyard, tu regardes Fort Boyard? Moi je connais Fort Boyard, moi j'aime bien aussi, ça va, c'est un bon format, c'est pas mal. Je préférais avant, quand c'était encore présenté par Patrice Laffont. Ouais. Et puis dans un futur. Très très dans le lointain, puisqu'on est en 1990, je le rappelle, ça va devenir un petit peu moins bien. Ah bon? C'est, oui, on parle d'Olivier Mine plus tard. Bon, il vient de naître. Ouais, c'est ça. David Vinas, Fort Boyard, tu regardes? Ouais, c'est un bon divertissement, c'est sympa à regarder si t'as vraiment rien à faire que le soir. Les nains, parfois, ce qu'a dit 90 ans à l'époque, c'était magnifique. Non, c'est vrai en plus. Pour rebondir sur ce que disait David Binas, si t'as vraiment rien à faire le soir, parce que vu qu'il n'y a plus un Énergie 12 et tout ça, lui il n'a plus rien à faire, c'est pour ça qu'il regarde. C'est familial, Fort Boyard. Ouais, puis le cadre est super, enfin, dans le fort et tout. Le décor est magnifique. Je trouve ça vraiment bien, quoi. C'est pas comme si c'était un jeu en studio où c'est un peu. On en voit beaucoup, quoi. Ouais, là, c'est vraiment des beaux décors. Savez-vous dans combien de pays Fort Boyard est exporté? 140, je crois. 90. Non, non, non, beaucoup. Non. Alors, 31. Trentaine, ouais. 31 c'est pays, déjà mal, c'est déjà pas mal. Un mot sur les personnages. Le père Foura, donc lui, il y est depuis le début, hein, depuis 1990. Avec Passepartout, c'était les deux seuls depuis 1990. Felindra, Tête de Tigre, arrive en 1991. Tête de Tigre. Je suis pas sûr qu'elle ait une tête de tigre, mais bon. Passe, ça fait un peu insulte, tu sais. Ouais, Tête de Tigre. Passe Muraille, lui, est arrivé en 2004. Hein, c'est assez récent, ouais, quand même. Ouais. Passe-Temps, vous vous souvenez de Passe-Temps, ouais, qui a été lâchement viré. Il était là au départ, mais bon, il était viré en 2009. Et La Boule, bon, lui est arrivé en 1994, mais malheureusement il est décédé en 2013. Les animateurs, si vous devez choisir un animateur parmi les trois, Patrice Laffont jusqu'en 99, Jean-Pierre Castaldi jusqu'en 2002 ou Olivier Mine depuis 2002, lequel choisirez-vous, Julien? Mais je sais pas, c'est vrai que les premières éditions que j'ai connues, bah, c'était avec Patrice Laffont, mais après c'est vrai qu'Olivier Mine t'aime bien la barque aussi, donc bon, allez, quand même, Patrice Laffont, hein, pour l'histoire. Ouais, voilà. Jérémy. Ouais, Patrice Laffont aussi, parce que j'aime bien être nostalgique. Edison, ouais. Tu choisirais quel animateur? Patrice Laffont, parce que sans compter, c'est celui qui a le meilleur talent des trois, quoi. D'accord. Et David? J'ai connu qu'Olivier Mine, donc on va dire, on va souvenir Olivier Mine. Olivier Mine, bah t'as pu connaître Jean-Pierre Castaldi qui était là entre 2000 et 2002. Lui, ouais, il connaît le fils Benjamin Castaldi. Voilà. C'est pas ça, Jean-Pierre Castaldi. Après, j'aurais des Star Academy aussi. Non, mais bon, en vrai, tu sais, c'est qui Jean-Pierre Castaldi? Bah oui, c'est son père. Oui. C'est son père, c'est le père de Benjamin Castaldi. Il a fait quoi avant? Qui ça? Bonne question. Il a fait l'Académie 9, non? On dirait Bourdin, là, tu lui poses des questions. Ouais. Genre, mais qu'est-ce qu'il a fait avant? Alors dites-nous, dites-nous, c'est David. C'est un tribunal. Les amis, je viens. Alors Xavier n'est toujours pas là. Alors ça m'inquiète un peu. J'espère qu'il ne s'est pas perdu. Bon, il connaît la route maintenant. Mais en 90, il n'y avait peut-être pas de tram. Il n'y a pas de GPS non plus. C'est ça. Ouais, voilà. Oui, c'est pour ça. Si tu nous entends, Xavier, viens vite. T'as un top là, t'as des audiences à faire. Il arrive en 4L, là. Il se déplace. On reçoit un fax. De qui, David? De Patrice Laffont, le préféré de tout le monde, apparemment. De tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, Fort Boyard, c'est devenu le dernier moyen de trouver un job pour les personnes en difficulté, comme les nains, les mecs quoi servir dans un casque de tigre, ou les vieux en pré-retraite, comme les frères Bogdanov et le père Fouras. Ah, les frères Bogdanov, dans le Fort Boyard, ce serait pas mal. Hein. Ouais, ou Nabila, Miss Airbag. Ils y sont, les frères Bogdanov. Ils y sont passés, ouais. Ils font des personnages. Ah oui, il y avait Pascal Ometa, Fofoto, etc. On va parler d'une émission que tout le monde connaît, c'est l'École des fans. C'était animé par Jacques Martin de 1977 à 1998 sur Antenne 2, devenue France 2 par la suite. Et c'était repris ensuite sur Gulli avec Philippe Risoli. Exactement. Et puis, il y a eu quelqu'un d'autre aussi, je ne sais plus. Un humoriste. On va écouter. Ah oui, Willy Rovelli. Voilà, Willy Rovelli. On va écouter un best-of de l'École des fans. Écoutez, c'est hilarant. Et drôlement gentil, ta maman. Comment c'est son petit nom? Sylviane. Bonjour Sylviane. Et papa, comment c'est son petit Jean-Paul. Nom? Jean-Paul. Il a une bonne bouille, Jean-Paul. Il boit de l'eau ou du vin? Du vin. Ah, j'en étais sûr. C'est un copain à moi. Combien il boit par jour? Deux, trois litres. Ah, ça va! Il est là, parrain? Non, il peut pas venir, il a contrôle. Fiscal. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, papa? Il travaille les... Il conduit les avions. T'arrêtes un peu de me cracher dessus? Non, mais bah, je te crache pas dessus! C'est ta fiancée? Oui. C'est ton fiancé? Alors, vous pouvez vous embrasser, alors? Non! Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore mariés. Ah, tu veux voir ton papa s'il est aussi grand? Oui, il est. Ah, très bien. Ah, bah dis donc, ton papa est plus petit que toi. D'où on est, il est tout petit. Très grand. Il est très grand. Oui. Combien il mesure? 5 mètres. Oui. 5 mètres. Ah, bah dites-moi, c'est un. Monsieur, vous devez avoir du mal à vous habiller en confection. Ton papa mesure 5 mètres. Et ta maman? 6 mètres. Eh bien, dites-moi, chère madame, voilà une grande famille. C'est l'heure du manger. Et comment il s'appelle, papa? Papa, il s'appelle Freddy. Freddy? Oui. Ah, je le connais, Freddy. Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Gendarme, et puis, et il en a 2-3 gendarmes qui sont ici dans la salle. Ah, il est gendarme, Freddy? Oui, mais aussi les autres gendarmes à la gendarmerie, ils boivent quelquefois des pintes. Ils boivent des pintes à la gendarmerie? Ah oui, ils sont des buveurs. Ah, c'est des buveurs, hein? Voilà pour le best-of de l'école des fans. C'était hilarant, franchement. Ah oui. Il y a des best-of partout sur Internet. T'as pas mis Nana Mouskouri? Non, et bien Jacques Martin, il est excellent. On le regrette, Jacques Martin, Julien. Oui, oui, tout à fait. C'est sûr que depuis l'école des fans, on n'a pas vraiment retrouvé une émission où on pouvait vraiment se délecter des paroles des enfants. Oui, voilà. Super naturel. C'est le dimanche, non? Ah, j'ai pas l'info. Mais c'était énorme. Les enfants sont formidables, comme disait Jacques voilà, Martin. Voilà, c'est ça. Ouais. Jérémy. Ouais, et puis Vanessa Paradis qui a commencé là-bas. Exactement. Elle avait triché sur son âge, je crois. Elle était trop âgée pour faire ça. Ah, elle avait triché. C'est sa première apparition télévisée et c'était dans l'émission du 3 mai 1981 où elle interpréta Émilie Joly. L'école des fans aujourd'hui, bon, vous regardez plus, c'est sur Gulli. Je sais plus si ça passe encore, mais c'est moins fun qu'avant. Edison. Tu regardais l'école des fans? Je connais pas, je connaîtrai jamais, je pense. Ouais, tu loupes. David, tu regardes plus sur Gulli? Non, mais après, c'est difficile de passer après Jacques Martin qui a porté le programme. Quoi. Ouais, ouais. Et il y a aussi Patrick Sébastien qui l'a fait pendant une saison. On reçoit un fax, David, de la part de qui? De part de Michel Drucker. Michel Drucker, d'accord. T'es déjà là depuis 40 ans. Michel Drucker, le dinosaure du PAF, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, il y a un secret révélé par Jacques Martin qu'il n'a jamais dit. Il va le révéler en exclusivité aujourd'hui. Voilà, un enregistrement de l'école des fans n'a jamais été diffusé sur France 2, enfin TN2. Ouais. Car une petite fille, Marie, avait prononcé un discours déjà particulier pour son âge. D'accord. Un discours fait par son père, Jean-Marie. Ok. Voilà, déjà précoce, il est Le Pen. Quoi. Merci David pour ce fax de star. On va passer une autre info, c'est les arènes de l'info. C'est une émission satirique de marionnettes diffusée depuis le 29 août 1988 sur Canal+. Parodie de journal télévisé, l'émission est une caricature de la société française en général. En 1990, les arènes de l'info changent de nom et deviennent les guignols de l'info. À partir de la rentrée 2015, il est annoncé que les guignols de l'info seront encryptés à cause ou grâce, on verra bien, à Vincent Bolloré. Que pensez-vous de cette émission, Julien? Ah ouais, non, j'adore. C'est vrai que c'est vraiment pareil. Des premiers souvenirs télé marquants que j'ai eus, c'est avec les guignols. Et c'est vrai que maintenant, je regrette un petit peu que ça soit encrypté. Même si parfois, c'est sûr que ça allait peut-être un peu trop loin sur certains sketchs, mais c'était quand même vachement sympa à voir. C'était en face du Bébé de Show qui était sur TF1. Jérémy, toi, t'es fan des guignols, tu regrettes que ce soit encrypté maintenant? Bah, je connais pas, moi je suis, ça va arriver, je suis en 2030, ça fait 15 ans que ça a disparu, je connais pas. En 2030, les guignols de l'info, j'adore. C'est vraiment dommage que. Bon, bah, enfin bref, en 90, je pense que c'est. Je sais plus ce que je voulais dire. En fait. Non, vraiment, c'est bien. Merci, c'est bien. Non, j'adore les guignols de l'info. C'est hyper satirique, c'est subversif, et en plus, voilà, de voir les politiques comme ça, c'est rigolo, quoi. Edison, les politiques aiment bien en plus, donc. Oui. Edison, tu regardais les guignols de l'info? Moi, entre les deux, non, je regardais pas les guignols de l'info au début. Je regardais le Bébé de Show. Entre les deux, je préfère le Bébé de Show sur TF1, qui était beaucoup plus satirique et subversif, comme dit Jérémy, et qui en plus avait ce côté qui était à l'époque un peu plus ludique, en fait. D'accord. Où il mettait en place des animaux. C'était des animaux. Je me rappelle, Mitterrand, c'était une grenouille. Kermit la grenouille. En fait, ça reprenait un petit peu les codes de Kermit et tout ça. De Kermit la grenouille avec Peggy la cochonne. Oui, voilà. quelle est votre marionnette préférée? Si vous avez une marionnette préférée à choisir, laquelle vous fait le plus rire? Moi, j'aimais beaucoup quand j'étais petit, puis même encore maintenant, la marionnette qu'ils utilisent pour faire l'américain, c'est-à-dire celle de Stallone. Ah oui, et d'ailleurs, Stallone, j'ai revu une des rediffusions du Grand Journal où il était face à sa marionnette. C'était hier, sur les D8. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est un des seuls qui a dit qu'il aimait bien sa marionnette, quoi, parce que. Mais elle est vraiment drôle, quoi. Oui, maintenant, il l'utilise pour faire un grand patron, un PDG de grande entreprise. Tous les Américains sont représentés par la marionnette de Stallone dans les Guignols. Julien. N'importe quel Américain, que ce soit. Le football, un sportif, un banquier, etc. Ta marionnette préférée? Moi, celle qui me fait marrer à tous les coups, c'est Philippe Lucas. Quoi. Et puis c'est tout. C'est énorme. Ça quoi, les sketchs, c'est super. Edison, t'as une marionnette préférée? L'américain aussi, c'est Stallone, ou sinon dans le Bébé de Show, Mitterrand. Chirac aussi, j'adore. Chirac aussi, c'est pas mal. J'ai une anecdote sur Chirac, mais avant, ta marionnette préférée, David? Moi, soit Sarkozy ou plus récemment Ribéry. À chaque fois, ils jouent en pyramide. Oui, quand Ribéry s'exprime. oui, donc à propos de Jacques Chirac, c'est Philippe Vandel qui a raconté ça en décembre dernier sur LCI, donc il y a presque un an. Et il raconte comment les équipes des Guignols avaient transporté de la drogue pour aller à Cannes. En fait, de la ont... quoi Alors évidemment, il ne faut pas en consommer, évidemment. Ou avec voilà. modération. Même pas avec modération. Et en fait, ils ont planqué cette drogue dans la marionnette de Jacques Chirac, qui était président à ce moment-là. C'est fou quand même. C'est, voilà. C'est Philippe Vandel qui raconte ça dans, sur LCI. Un fax de qui, David? Pardon. Un fax de Michel Denisot. Michel Denisot, alors. Le Grand Canal. Alors, après le bébé Tchou dans les années 80-90, les Guignols de l'info depuis 88, vous avez désormais en 2015 les abrutis de la télé avec les Ch'tis et les Marseillais de W9, Secret Story et les anges de la télé-réalité où ils parodient la langue française. Oui, et heureusement que Xavier n'est pas là, il est fan de télé-réalité. D'ailleurs, il est toujours pas là. Pas que Xavier. Qui est fan? Xavier, où es-tu? David serait fan aussi, non? Non, David, assume-le pour une fois. Assume tes choix. Assume tes choix. Nous savons tous que tu remportes les quiz du bac parce que tu es une star en matière de télé-réalité. Et une star tout court. Hein. Dans un instant, on va faire un quiz, mais ce sera un blind test spécial années 90. Ce seront des émissions en télé phares des années 90. Donc là, il n'y aura pas de télé-réalité. Comme ça, c'est clair, tout le monde est au même niveau. On va s'écouter... Maldon avec Zouk Machine, donc Edison, tu connaissais pas. Si, je connais Maldon. Ah, tu connaissais. On va zouker. Mais je me rappelle plus du titre, en fait. Zouk. Allez, on écoute ça et on revient dans un instant dans l'œil du paf. Ça y est, messieurs. Mal done, Zouki Machine. On est tout essoufflé. On va vous mettre des vidéos sur Dailymotion et sur le Facebook de l'émission, @ZoukDuPaf, parce que tout le monde dansait. Ça zouk. On a zouké. Avec la directrice de Fadjet, Fabienne, qui a zouké avec Edison. On vous met ça, on mettra ce soir ça sur Facebook. C'est cultissime. C'est cultissime. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. D'ailleurs, j'ai oublié, je devais faire un coucou à une camarade de classe qui s'appelle Stella. Voilà, elle nous écoute en ce moment. Donc, on te fait un gros bisou, Stella. Et voilà, donc c'est son anniversaire ? Non. Tu veux 06 ? Il y a de la drague. Non, d'ailleurs, elle est célibataire, hein, si ça intéresse quelqu'un. Elle est jolie ou pas ? Elle est très, très jolie. Tu pourrais dire le contraire. Stella, ça me fait penser, tu sais, à une étoile. Stella, je sais pas pourquoi, à constellation. Interstella. Bon, allez, revenons un petit peu de sérieux à l'émission. Un petit peu de quoi ? Un petit peu de sérieux. De quoi ? J'ai pas compris. Du sérieux dans cette émission. Non, on va passer à la rubrique de Julien, qui va parler d'une émission. Julien, c'est à toi. Ça, ben, en 1990, j'aurais pu vous parler de l'arrêt d'apostrophe. Comme vous le savez tous, qui était une émission de télévision littéraire créée et animée par Bernard Pivot sur Antenne 2. Mais bon, de toute façon, maintenant, on s'en fout, on y gagne, puisque maintenant, il y a Voyage au bout de la nuit sur D8. ou encore, j'aurais pu vous parler de la fin de l'émission culte de Michel Drucker, Champs-Élysées, toujours sur Antenne 2, qui est revenu de façon sporadique ces dernières années. Mais bon, quelque chose me dit que Michel, maintenant, va préférer les dimanches et les canapés rouges. Mais bon, vu que j'aime bien Antenne 2, on va rester sur cette chaîne car le 25 juillet 1990 débutera certainement un des jeux les plus cultes de la télé. Donc je vous laisse deviner. Ah. Motus. Motus. J'adore ton aliboule. Motus. Excellent. Oui. Voilà, vous l'aurez deviné. Sa main dans plein de boules. D'ailleurs, c'est Thierry Beccaro fait énormément de jeux de mots avec ça. Il adore. Ah oui. Il est fan de ça. Toi, vous non. C'est ça. De donc, boules. Vous l'aurez deviné. C'est évidemment Motus qui est diffusé tous les jours du lundi au vendredi de 11h à 11h30 sur France 2 maintenant. Et c'est animé donc depuis plus de 25 ans par Thierry Beccaro. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une création française, mais c'est d'origine américaine. Et Motus se base sur un format hollandais qui s'appelle Lingo. Lingo. Lingo. Ça marche aussi. Je connaissais pas. Lingo. Alors pour les rares personnes qui connaissent pas le jeu, un petit rappel s'impose. Donc là, deux équipes de deux personnes s'affrontent pour aller à une super partie. Pour y aller, il faut donc marquer le plus de points possible en trouvant un maximum de mots cachés. Pour les trouver, il faut en proposer plusieurs en les épelant. Donc je vais vous donner un petit exemple, c'est plus facile que l'explication. Okay. Alors si le mot à trouver est montagne, je peux proposer par exemple monture, M-O-N-T-U-R-E-S. T'es en train de nous expliquer voilà. Les règles de Motus. C'est ça, ouais, j'aurais jamais cru faire ça un jour. Restez avec nous voilà. Sur Fadjet, les règles de Motus. Voilà, donc grâce à cette proposition, j'ai pu trouver le début du mot montagne, donc M-O-N-T, ce qui m'amènera par la suite à trouver le bon mot. Voilà. Donc, évidemment, si vous faites une faute d'orthographe ou que vous proposez un mot trop court ou trop long, la même passe à l'autre équipe avec une lettre bonus. C'est ce que t'es en train de me dire qu'aujourd'hui, en fait, Motus, il y a que des gens de 40 ans et plus qui y vont. Bah sinon, les ch'tis ils trouvent pas. Hein. Non. Ouais, parce que faute d'orthographe, si. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on en passe pas. Si, les ch'tis ils peuvent trouver si ça tombe dans leurs 10 mots de vocabulaire. Voilà, c'est ça. Sinon, plage. Des mots de 3 lettres à la limite, 3 ou 4 lettres. Non, bon. Juste, tu rigoles, c'est trop compliqué. Donc, après tant de tortures pour avoir trouvé le bon mot, vous pouvez enfin mélanger les boules pour tirer le numéro. Mais pourquoi ce. Non, pardon. Pourquoi Est-ce tirer que... les boules ah, voilà. Après ouais. Un effort acharné, ce numéro vous servira à faire une ligne de numéro, une colonne ou une diagonale pour réaliser un. Motus, voilà, il n'y a que David qui suit. Tout le matin. Il est fan de Motus. Voilà. Et évidemment, il ne faut pas tomber sur la boule noire, sinon c'est. Oh. Et oui, je fais des bruitages de temps en temps, ça m'arrive aussi. Alors, pour gagner la super partie, il faut trouver 10 mots dans un temps imparti. Et sinon, aussi, j'ai deux petites questions pour savoir si vous connaissez bien l'émission. Alors, d'après vous, combien il y a eu d'émissions diffusées à ce jour ? À peu près. Trop ? 4698. Ah, peut-être une autre proposition, Edison ? 6000. Trop ? Ouais, 5000. 6000, c'est ça, ouais, c'est environ 6000. Bien joué, David. Expert de Motus, environ 6000. C'est ça. Et une autre petite question, alors qui a été la première voix off de l'émission? C'est une personne connue, on connaît? Oui, oui. Charlotte Chalal? Non. Jean-Luc Reichmann? François Hollande. C'est ça, c'est Jean-Luc Reichmann de 1990 à 1995. C'est ça, il a commencé sur Motus en tant que voix off, donc c'est plutôt très bien. Et pour terminer, je dirais tout simplement Motus et Bouche Cousue. Merci, on peut l'applaudir. Merci, Julien. Pour cette belle chronique de Motus avec ses explications. J'ai enfin compris le jeu. C'est une première en radio, l'explication de Motus. je regardais pas, je crois que je vais m'y mettre là. On passe au cinéma avec, on commence par Edison, qui nous parle du cercle, enfin le cercle des poètes disparus. Edison. Ouais, c'est bien ça. Bah alors bonjour David, ce matin dans ma boîte, j'ai reçu un exemplaire du Chicago Sun-Times accompagné d'un étrange bouquin en fait, un almanach des sports statistiques donnant les résultats des compétitions sportives jusqu'en 2000. Alors ces prédicteurs bienvenus des années 90, en fait, grâce à ces prédicteurs, j'apprends que Bob Dylan va être fait chevalier des arts et des lettres par le ministre de la Culture, Jacques Lang. Mikhail Gorbatchev, il va gagner le prix Nobel de la paix. Fort. On va assister à la dernière apparition de Freddie Mercury à la télévision lors des Brit Awards. Ah. Et à la radio, bah, on peut écouter comme tous les jours Phil Collins avec son tube planétaire Another Day in Paradise. Juste dans l'almanach des sports, j'apprends aussi que l'OM va devenir champion de France pour la deuxième fois. Je pense qu'il y a un peu de triche là-dessus. Même Ligue des Champions, s'il ferait mal à... Je pense qu'il y a un peu de triche là-dessus quand on est sans Bernard Tapie. Et en parlant de sport, juste un petit aparté. Il y a deux semaines, j'étais en Suède. En fait, aux alentours d'un terrain de foot, j'ai croisé un jeune qui était en train de jouer contre d'autres jeunes. Mais le mec, il maniait le ballon d'une manière formidable. Je me suis rapproché de lui et je lui ai demandé son prénom. Mais il m'a répondu avec une arrogance et une étourderie abasourdissante, Zlatan. Tu vois, Zlatan, je connais pas. Je connais pas. Il joue bien. Franchement, il avait une dextérité certaine. Ça, c'est sûr, mais je le connais pas. Tu connais beaucoup de Suédois qui s'appellent Zlatan, toi? Je connais pas du tout. Bon, je vous rassure, on est toujours en 1990. Pour moi, Will Smith est toujours le prince de Bel-Air. Les péripéties de Beverly Hills m'agacent toujours. Alf, il va rentrer bientôt sur Melmac. Et Alana nous prédit toujours un futur imparfait. Et Parker Lewis gagne toujours, je vous jure. Dopé ou pas dopé? Parker Lewis. Non, il gagne toujours, il ne perdra jamais. Et en tout cas, c'était une chronique cinéma, on en apprend. Parker Lewis gagne toujours. Ce film. Bah, pour le cinéma, justement, selon ses bouquins, selon le Sunday Times, cette année on aura plus de 324 films sur les écrans français, dont Le Cercle des Poètes Disparus. D'accord. Dans Le Cercle des Poètes Disparus, le film dont je vais vous parler. Le Cercle des Poètes Disparus est un film de Peter Weir. Peter Weir que vous allez connaître par le futur parce qu'il va faire Master and Commander. Ok, et avec Robin Williams. Non, Master and Commander, c'est pas avec Robin Williams. C'est avec Russell Crowe. Je parle du Cercle des Poètes Disparus. Oui, le film. Laisse-moi finir ma chronique. Ok, on ne dérange pas. Laisse-moi finir ma chronique. Donc Peter Weir, vous allez le connaître par le futur avec Master and Commander, Le Chemin de la Liberté, ou sinon le cultissime Truman Show. Ah oui. Et bah, Le Cercle des Poètes Disparus, c'est avec Robin Williams. Voilà. C'est pas vrai. J'aurais pas cru. C'est avec Robin Williams, Ethan Hawke et Robert Sean Leonard. Très bien. Ce film sort en France le 17 janvier 1990 et aux États-Unis, il était sorti le 9 juin 1989. Ah ouais, non mais c'est tard, non? Ouais, 6 mois de retard. Bah à l'époque les films sortaient pas au même à l'époque les films sortaient pas en même temps. Même encore maintenant, hein, il y a souvent un ou deux mois d'écart. Hein, oui, mais là il y avait 6 mois, c'est énorme. On continue. Ouais. Donc l'histoire de ce film se déroule aux États-Unis en 1959 où Todd Anderson, Ethan Hawke, un garçon timide est envoyé dans une prestigieuse académie de Welton dans le Vermont, une académie réputée pour être une académie fermée et austère, où son frère a fait ses études et il est devenu un brillant académicien. Il y fait la rencontre d'un professeur un petit peu halluciné et hallucinant, joué par Robin Williams, qui pratique, chose originale, qui encourage les élèves à l'épanouissement des personnalités, à un goût propre pour la liberté. Certains élèves voulant au maximum suivre les conseils de ce professeur vont réanimer un cercle, Le Cercle des Poètes Disparus, d'où le titre du film. C'est un excellent film. D'où le titre du film dont Robin Williams était avant membre. On va écouter la bande-annonce du Cercle des Poètes Disparus, la bande-annonce. Messieurs, quels sont les quatre piliers? Tradition, honneur, discipline, excellence. Il me revient des bruits, John, sur les méthodes peu orthodoxes que vous appliquez à votre enseignement. Arrachez, déchirez, étripez, arrachez tout. C'était quoi le cercle des poètes disparus? Je ne crois pas que l'administration actuelle verrait cela d'un bon œil. Je déclare reconstituer le cercle des poètes disparus. Eh bien, les poètes disparus vouaient leur réunion à sucer la moelle secrète de la vie. Je dois vraiment réagir. Si vous imaginez, monsieur Dalton, être le seul qui ait décidé de se faire chasser de l'école, c'est un leurre. Charlie, t'avais pas le droit de faire ce truc-là. Toute l'école pouvait courir à cause de ça. C'est dans ses rêves que l'homme trouve la liberté. Cela fut, est et restera la vérité. Voilà pour la bande-annonce du Cercle des Poètes Disparus. Ton analyse, Edison? Alors, comme on veut que je prononce David, c'est un film Carpe Diem. D'ailleurs, tu sais ce que ça veut dire, Carpe Diem, David? Totalement. Je le dirai pas parce que... pour la raison de sécurité. Non, un film pour moi vraiment intimiste, d'un esthétisme somptueux et qui pourrait totalement devenir culte. D'ailleurs, qui, je pense, selon toujours le Chicago Sun-Times, va devenir culte. Parce que ce film va être le premier en 1990 au box-office français avec plus de 6 millions d'entrées. C'est plus de 6 millions et demi même, j'ai noté, ouais. D'entrées, c'est énorme. Et donc, quelqu'un a vu ce film et va en dire un mot, David? Ouais, très bon film, pas assez connu, je trouve, parce que moi, j'étais pas né en 90, mais c'est pas un film qui est cul, quoi, comme plusieurs films, genre Alien, machin. Mm-hmm. Mais très bon film à regarder. Ah ouais, excellent. Julien, un mot sur oui, le c'est un des classiques qu'il faut regarder, surtout avec la prestation de Robin Williams, qui est absolument magnifique. C'est tout pour ce film, Edison? Oui, rien à rajouter? Non, rien à rajouter, c'est un film somptueux, il faut le regarder si il vous l'avez regarder. Pas vu. Il est au cinéma, il doit être à l'Eldorado, je pense, ici sur Nancy. On est qui, en va bientôt, qui va bientôt changer de nom, je crois que ça va devenir l'UGC. C'est en 3D ou? Il a des infos qu'on n'a pas. Un autre film, c'est L'échelle de Jacob. Jérémy, ça parle de quoi alors? Qu'est-ce que c'est? C'est un peu spécial. Donc, L'échelle de Jacob, c'est un film américain qui est réalisé par Adrian Lin, pardon. Et donc sorti en 90, sorti cette année donc. Et en fait, ça raconte l'histoire de Jacob Singer, qui est un employé des postes new-yorkais et qui est assailli par nombreux cauchemars durant ses journées. En fait, il voit des hommes au visage vraiment déformé et il se retrouve en plus dans des lieux qu'il ne connaît pas, quoi. Et du coup, il est également victime des flashbacks incessants de son premier mariage, de la mort de son fils et de son service au Vietnam, ce qu'il avait fait au Vietnam. Donc en fait, il est assailli par ces flashbacks. En fait, c'est plus des trucs qui l'ont perturbé dans sa vie. Et il n'arrête pas d'avoir ces visions-là, en plus de se retrouver dans des endroits qu'il ne connaît pas, donc il ne comprend pas, etc. Et nous, donc, en tant que spectateurs, on assiste donc à un cauchemar éveillé de cet homme qui sont petit à petit dans une espèce de folie, jour après jour dans la folie, et tout en essayant d'en comprendre les causes. Donc tout le long du film, il ne comprend pas parce qu'il n'est pas endormi, etc. Il vit le truc à fond et il a ces visions de personnages, enfin de gens avec les visages vraiment déformé, c'est angoissant, quoi. C'est un film dramatique? Bah, c'est un film fantastique et un peu d'épouvante quand même, parce que c'est pas le genre de film où il y a des trucs qui vont surgir et ça va, mais bien qu'il y en a un tout petit peu, mais c'est plus une espèce d'ambiance générale et c'est à la fois terrifiant, angoissant, et c'est un petit film à l'époque qui était passé un peu inaperçu. J'ai noté 41 000 entrées en France. Ah oui, c'est passé vraiment inaperçu. C'est devenu, mais comme beaucoup de films cultes qui sont devenus vraiment films cultes. Je pense à Fight Club qui avait fait un follow-up à l'époque et qui est devenu un film. Il y en a plein d'autres. Hitchcock, etc. Et c'est devenu un film culte dans le cinéma fantastique. La réalisation, elle est très froide, l'esthétique est glauque et pesante. Ça fait presque penser à la peinture surréaliste. Enfin, Et le scénario est passionnant, enfin, c'est prenant. Il y a des scènes très marquantes, notamment je pense à la scène de l'hôpital vers la fin du film. Enfin, elle est juste hyper angoissante et hyper glauque. Et il y a un twist, le twist final aussi est remarquable, digne des plus grands films, vraiment le twist. Et du coup, le twist te donne envie de regarder le film une deuxième fois pour mieux comprendre. Et l'interprétation de Jacob par Tim Robbins est remarquable aussi. On flippe avec lui en fait. Hein. Quelqu'un a vu ce film? Oui, moi je l'ai vu. Edison, t'en penses quoi? Moi je trouve que c'est un film. Comme disait, qui est un film vraiment angoissant. En fait, vous avez une teneur angoissante qui est présente tout au long du film, un peu noir dans le sens où on joue sur l'épouvante, sur le côté fantastique, fantasmagorique du personnage. Et ça, bon, je vais pas dire le twist à la fin parce que sinon ça gâchait un petit peu le film. Mais c'est vrai qu'en fait, on est pris par ce film. On est dans la tête du personnage. On se demande au final si on n'est pas fou nous-mêmes. En fait. Ouais, ça renvoie ça renvoie nos propres peurs. C'est ça qui est très bon avec ce genre de film, c'est que c'est pas on n'est pas en décalage avec le personnage, c'est-à-dire qu'on vit presque que ce qu'il vit en fait, et donc ça renvoie nos propres peurs. Et en fait, l'échelle de Jacob aussi, c'est une référence biblique parce que c'est l'échelle qui mène au ciel. Alors, au paradis. Ouais. D'accord. Après, je m'y connais pas du tout en religion, mais je sais que voilà. C'est, en tout cas, vous m'avez donné envie de voir ce film que je ne connaissais pas, l'échelle de Jacob et le cercle des poètes disparus, que là tout le monde a vu, j'imagine. Pas David. Si, tout le monde l'a vu. Il s'en rappelle même pas. C'est tout pour aujourd'hui, Jérémy. Ouais, c'est bon, c'est tout bon. Merci. Sinon, j'étais au concert de Nirvana hier avec Kurt Cobain. Il a défoncé sa guitare, c'était super. Edison. Sinon, aussi, je veux rappeler qu'aujourd'hui, en 1990, ressort une version de La Nuit des Morts Vivants, en fait. Le film de 1968 de Albert Romero. C'est réalisé cette fois-ci par Tom Savini qui jouait dans La Nuit des Morts Vivants. Un personnage et qui le réalise cette fois-ci. Voilà, et qui est aussi un tout aussi bon film d'épouvante et d'horreur. Bon. Pas la même hauteur que l'échelle de Jacob, parce qu'il y a plus un côté dramatique, intimiste ou plus intellectuel que La Nuit des Morts Vivants, où vous verrez des cadavres. Des cadavres. Merci. On va passer au blind test spécial année 1990. J'ai dit blind test, voilà, j'ai dit générique télé, et on compte les points, et le gagnant, eh bien, sera l'œil du paf. Il aura l'œil du paf. On commence avec un premier générique, écoutez. C'est pas sorcier ? C'est pas sorcier. Ouais. Avec Jeanne Jamy. Ouais, Fred et Jamy, et puis Sabine ensuite. Un point pour David, un deuxième générique. Les enfants de la télé ? Les enfants. Oui. Ah, les enfants de la télé, animés par Arthur. Au départ, c'était Pierre Tchernia. Tchernia, oui. Sur France 2, hein. C'était sur France 2 à l'époque, en 1994. Deux points pour David. Troisième générique. Disney Parade. Non. Le club Disney. Non, rien à voir avec Disney. C'est un dessin animé ou c'est une émission ? Une émission. Sur TF1. Big Deal ! Le Big Deal ! Animé par Vincent. Par contre, je suis persuadé que la première, c'est le Disney Club. Ah bah c'est... Parce que tu regardes le Disney Club. Révélation. Allez, ouais, référence Disney Club. Ça a démarré en 1990. Ah, magnifique ça. Qui regardait David, tu regardais ? Je regrette qu'il ne soit plus là. Eh ouais, enfin, l'émission. Oui, oui. On sort les gars, va très bien. Il va très bien. Un quatrième générique. C'est le moment mardi ? Non. Interville. Interville. Allez, je donne à Julien. Allez. Interville, présenté par. Ça date, hein, c'était en 1964. Guilux. Guilux et. Et oui. Zitrone. Et Léon Zitrone. Ah, tu me donnes un point. Et je donne un point à Edison. Oh, il scroll, lui. Pourquoi ? Attends, tu sais même pas qui c'est Guilux. Et j'en ai sur internet. Et j'enlève 20 points à David qui me traite d'escroc. Donc ça fait 2 1. Cette émission est truquée. Cinquième et générique, écoutez bien. Alors, une émission sur France 2, apparue en 1998, et présentée par Thierry Ardisson. C'est le mont mardi ? Non, on en parle. Tout le monde en parle. Bonne réponse de David. Avec l'excellent Laurent Baffy. Ah, oui. Au départ, il y avait même Laurent Ruquier qui était sniper. Ça, c'était au tout début. Ah, au bout de 2 semaines, hop, c'est parti. Quoi. qui regardait, tout le monde en parle autour de la table. Ouais, moi, j'ai regardé Edison les diffusions, quoi. Ouais. Les rues du fusion un petit peu, ouais. Ouais, parce que. Ça, le zapping avec les snipes de Baffy. Ah ouais, non, mais vous allez sur YouTube, vous tapez les meilleures vannes de Laurent Baffy. Vous allez sur quoi ? Sur YouTube. Ça existe ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce ? Vous allez sur votre Minitel, 3615 YouTube. 3615 YouTube. sixième générique. Ça se discute. Ça se discute. Ouais. Oh, ouais, pas mal. Trop fort, David. Non, il est trop rapide. Mais arrête, s'il te plaît, tu sais pas taper. J'adore. Par contre, le tambourin, t'es nul. Arrête. Avec qui veut chanter là-dessus, là. Allez, c'est parti. Il y avait une parodie, je sais pas si vous l'avez vu, de Olivier Barou et Cadmerade. Avec Gad Elmaleh aussi. Avec Gad Elmaleh, c'est excellent. Septième générique, c'est celui-ci. Tango sur la plage. Tango sur la plage. Il invente des émissions. Allez, c'est cultissime. truc du rideau là. Oui, c'est non, ça. Non, absolument pas. Le juste prix, le millionnaire. Une émission, attention, ça va être l'île de la tentation. De rapidité, c'était animé par Michael Youn. Le Morning Live, évidemment. De 7h à 9h, l'émission qui réveille. Vincent. Pas du tout. C'est pas Morning Live. Mythique. Repris ensuite, je crois, par Cyril Hanouna. Flop total. En sachant qu'il paraîtrait que Morning Live s'est largement inspiré de Rémi Gaillard, qui à l'époque n'était pas connu. En fait, non, c'est ce qui est vrai. Rémi Gaillard, il aurait déposé des cassettes à M6. C'est vrai, c'est vrai. Et Michael Youn aurait piqué quasiment toutes les idées de Rémi Gaillard. Oui, il raconte ensuite, voilà. Rémi Gaillard. Ouais. Huitième générique, c'est celui-ci. C'est le Mont Mardi. L'autre. Non, c'est. C'est l'autre. Ah. Le Martien. Allo la Terre, ici le Martien. Edison, il invente des émissions. Je sais pas si c'est des émissions du Brésil ou pas, mais. Toi, tu parlais de Salut les Terriens, non? Ouais, Salut les Terriens. C'est animé par Christophe Dechavanne. Ouais, c'est quoi? Sur TF1, évidemment. C'est personne. La famille. Coucou, c'est a... nous. Coucou, c'est nous. Ah ouais. Bonne réponse de Julien Bernard. Le 9e générique, il a été cité tout à l'heure, c'est celui-ci. C'est le Mont Mardi. Non. La famille en or. Non. Le juste prix. Le juste prix. Excellente réponse d'Edison, qui était présenté à l'époque par Philippe Risoli sur TF1. Filou. C'est revenu ensuite sur TF1, animé par Vincent Lagaffe. Attention, 10e et dernier générique, il vaut 100 points. C'est mon choix. C'est mon choix. C'est ça, final. 103 points. C'est mon choix. Pour David. Si je te traite d'escroc, tu m'enlèves 100 points. Ouais. Mais c'est mon choix. Je donne 200 points à celui qui me donne l'animateur, l'animatrice. Evelyne Thomas, 202 points. Et c'est sur Chérie 25 maintenant, c'est revenu. Ouais. Malheureusement, c'est sur Chérie 25. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai regardé et autant dire que ce matin, c'est mon choix. C'était quoi déjà ce matin? J'aime plaire et voilà. Ouais. J'aime plaire. C'est mon choix, je porte la barbichette. Je te jure. Ah mais oui, il y en a des comme ça, c'est pour ça que c'est même pas drôle. Mais qui regardait à l'époque, c'est mon choix. Moi, je regardais. Début mercredi après-midi avec ma sœur. Et qu'est-ce que t'aimais? Ta sœur, elle a bon dos. Hein. Non, mais on regardait une fois sur les noms ridicules, c'était trop marrant. Ouais. Est-ce que vous regardez aujourd'hui sur Charlie 25? Ouais, non. Non, quand même pas. C'est mon choix de ne pas regarder. Voilà. Et sinon, Evelyne Thomas, vous en pensez quoi? C'est une bonne animatrice en général? Elle est vieille. Bah, elle est bien dans ce genre de. Dans cette émission-là. Après, ailleurs, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve. Mais je pense que c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué parce qu'elle a fait mon choix et puis après, elle avait essayé de faire quelque chose. Elle a disparu. Combien ça coûte après qu'elle a pas marché, je crois? Elle a disparu du panel audiovisuel français et là, elle revient avec un truc qui fonctionnait dans les années 90 qui s'appelle C'est mon choix. Malheureusement encore. Et du coup, si on fait un mot rapide sur les anciennes émissions qui reviennent, je pense à l'Académie des 9 qui a fait un flop. Oh, ça... Vous en avez marre de retrouver. Il y a aussi Tourner Manège. Ouais. Avec Koué qui est revenu. Ça, c'est pareil, ça n'a pas très bien marché. Qu'est-ce que vous en pensez des anciennes émissions? Ça prouve un manque d'imagination, hein, surtout. On fait du neuf avec du vieux. C'est un peu. Ouais, c'est après, ça dépend de l'animateur aussi. Hein. Quand un animateur emblématique. C'est dur de reprendre derrière, quoi. Ouais, c'est clair. Le juste prix qui a bien marché, le retour du juste prix sur. Ouais, c'est la gaffe. Ouais, mais c'est la gaffe qui a vraiment fait le jeu. Ouais. Il y aurait eu n'importe qui à la place de la gaffe, le juste prix, ça aurait fait un flop. Oui. Et Jason qui sait que dans 40 ans, peut-être qu'on reprendra l'émission L'œil du paf. Hein. Ouais. Ouais. Peut-être, ouais. J'espère en tout cas. Ça sera les yeux du paf. Ouais. C'est ça. Le cerveau du paf. Et si on retournait en 2015, ça vous dit? On retourne en 2015. Venez, on récupère notre DeLorean et on s'en va. C'est parti. On retourne sur le maillot. C'était bien beau, hein, 1990. Ah ouais. Bon, on retourne en 2015. Vive Internet. Oula, c'est bizarre. Où c'est que je suis? Ta ceinture, Edison. Non, en 2015, on est rebelles. Bon, vous êtes toujours aussi beaux, les chroniqueurs, en 2015. Par contre, toi, t'as bien vieilli. Hein. La calvitie, elle apparaît. Petite frite du lion, là. Si on fait un point sur ces années 90... Quelle émission vous manque aujourd'hui, Julien? Elle y est toujours, mais c'est vrai que les guignols de l'info, c'est vrai qu'en clair, ça manque vraiment. Quoi. Ouais, mais si t'as pas une ancienne émission qui n'existe plus aujourd'hui. Moi, c'est le Big Deal. Y a pas d'idée. Le Big Deal pour David. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Ah oui, il y a aussi la télé des inconnus. La télé des inconnus également, tout connu, ça, c'est mais... vous citez que des émissions de Canal+, là. Moi, non, mais non. Ouais, ouais. Moi, en émission, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui manque, mais en niveau série, je pense que tout ce qui est Parker Lewis, Le Prince de Bel-Air, les trucs dans le genre, les émissions, Dallas, le Cosby Show, les émissions américaines phares du type où tu mettais des jeunes, des types, ça me manque, quoi. Est-ce que vous aurez aimé vivre dans les années 90? On y a un petit peu vécu quand même. Est-ce qu'on aurait aimé être adolescent dans les années 90? Voilà. Ouais, je pense pas. Moi, je pense oui. Moi, je préfère que les années 80. Moi, je pense oui. Moi, je pense que 90, ça aurait été bien. Moi, j'aurais pas eu la tête à Nabila ou un truc de genre. Ou peut-être j'aurais pas rencontré David. Alléluia. Bon, allez, on va. Ouais. Voilà, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui si vous étiez en 1990, le smartphone, internet, il y aura quelque chose qui vous manquerait à ce moment-là? Moi, ce serait Louane, évidemment. Mais vous, ce serait l'œil du PAF. Ah, c'est vrai qu'en 1990, il n'y a pas l'œil du PAF. Il n'y a rien qui, bon, vous vivrez sans internet. À la souffrance. Je pense qu'on peut vivre sans tout. En 1990, ils ont réussi. On peut réussir aussi. Si ça n'existe pas, on peut vivre sans. Qu'est-ce qui nous faciliterait? Bah, le McDonald's, le Drive. Merci McDo. Ah, la vision de la ville. Du placement de produits en même temps. Ouais. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On rappelle que c'est les 30 ans de Fadjet. On souhaite un joyeux anniversaire. On va chanter 3, 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Fadjet. Joyeux anniversaire. Bravo. Edison, t'as pas chanté, tu connais pas les paroles? Eh bah, si. Tu nous l'as fait en anglais, allez, c'est parti. Ah, puis... Si, je connais les paroles, c'était juste que bah, comme c'est ton anniversaire en même temps. T'as pas travaillé ses vocalises. Non, merci à tous d'avoir participé. Et puis Xavier, bon, je sais pas. Xavier, merci à toi de ne pas être venu. Ah, justement, je crois qu'en 1993, il va y avoir Casper le petit fantôme qui va sortir. Allez, on va rendre l'antenne. Merci, en tout cas, merci à tous. Et puis les 30 heures de radio continuent, hein. Ça a commencé ce matin à 9h et il y en a pour 30 heures. Bon anniversaire Fadjet et restez avec nous, excellente journée sur Fadjet. On se quitte avec Louane, évidemment. Je ne pouvais pas se quitter sans Louane. Un tube des années 90, hein. On est en 2015 maintenant. Oui, on est revenu en 2015. Mais je suis perdu, moi, là. Ça y est, je suis plus où je suis. Louane, nos secrets, merci à tous et bon anniversaire à Fadjet. This ain't loving, this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. Malgré tout voyager, les retours des allées, descendre, remonter, à l'espoir adossé. Nos atomes accrochés.